ce jour où j'ai manqué d'audace. Les mots sont pas sortis depuis je traîne comme un caillou dans ma godasse. Des douleurs tenaces, ma langue se délie quand c'est mort. Quand c'est plus l'heure, quand y'a plus la place. J'avais tant de choses à dire, mais y'a plus rien. Seulement qu'intervient. Maintenant que c'est plus l'heure, je regrette d'en avoir suivi certains. L'engrenage, les conneries, à ce qui paraît c'est le destin. Putain je vis avec, et puis je rôde avec. Mon passé hier, aujourd'hui je rime avec. Je regrette mes mots crus, forgés dans la rue. Les paroles de ceux qui m'ont dit que j'étais foutu. Merci pour tout et en fait ça m'a donné le mort. Vas-y s'il te plaît arrête tout et dis-moi si j'ai tort. Je regrette la non-connaissance de mes grands-parents morts. La tristesse de mes parents quand je leur cause du tort. Le mal que j'ai pu faire sans en avoir conscience. De mettre les autres à l'écart, le rap c'est ma seule science. Je regrette mais c'est trop tard de ne pas être venu vers toi. Il faisait bien trop noir et le couloir était trop étroit. Mais sale crari à deux balles quand il le faut pas. Mon sale langage cache et tous mes faux pas. Pour sûr, je regrette ce jour où j'ai manqué d'audace. Les mots sont pas sortis depuis je traîne comme un caillou dans ma godasse. Des douleurs tenaces, ma langue se délie quand c'est mort. Quand c'est plus l'heure, quand y'a plus la place. Pour sûr, je regrette ce jour où j'ai manqué d'audace. Les mots sont pas sortis depuis je traîne comme un caillou dans ma godasse. Des douleurs tenaces, ma langue se délie quand c'est mort. Quand c'est plus l'heure, quand y'a plus la place. J'avais tant de choses à dire, mais y'a plus rien. Seulement qu'intervient. J'avais les mots manque de courage, je les ai ravalés. J'avais mes doigts sur ta peau sans trop me dévoiler. Je t'ai vu t'envoler, j'ai repensé à mon silence. Je suis désolé, je revois ces images qui dansent, toi qui te barres. Et mon putain de mutisme, y'a pas pire, il est tard. Je capte que maintenant ce que je t'ai fait subir, je crois pas, on met à culpa, je paye ce que j'ai pas su dire. L'histoire s'enraye, je suis plus qu'un mauvais souvenir, toi et moi. Ça fait combien d'années au compteur? 2500 fois, j'ai pas été à la hauteur. J'avais ce petit confort affectif, j'avais que t'étais là. Avare en geste démonstratif sur notre chemin parcouru. Je suis responsable du verglas, je suis du mal sans le vouloir. Y'a trop de trucs que je gère pas, putain de sale habitude. Je garde en moi le plus important. Maintenant que c'est plus l'heure, je peux dire que t'étais dans mon cœur pourtant. Pour sûr, je regrette ces jours où j'ai manqué d'audace. Les mots sont pas sortis depuis je traîne comme un caillou dans ma godasse. Petite douleur tenace, ma langue se délie quand c'est mort. Quand c'est plus l'heure, quand y'a plus la place. Pour sûr, je regrette ces jours où j'ai manqué d'audace. Les mots sont pas sortis depuis je traîne comme un caillou dans ma godasse. Petite douleur tenace, ma langue se délie quand c'est mort. Quand c'est plus l'heure, quand y'a plus la place. J'avais tant de choses à dire, mais y'a plus rien. Seulement qu'intervient. Je te l'ai dit, je suis désolé, j'ai pas pu te dire ce que je pensais. T'es toujours là, j'espère qu'un jour je vais pouvoir te livrer mes pensées. J'y pense toujours, à chaque fois que je me couche. J'ai pas su y aller, et résultat j'ai fait mouche. On a trop pris de temps, on s'est mis sur la touche. Me lamenter, j'y en ai passé du temps comme jamais. Quand on discute, je le vois dans tes yeux et c'est précieux. Pourquoi pas un jour, mais ça commence à faire vieux. Je traîne mon lot de regrets, mes mots un peu faux, mes mots trop vrais. L'incidence de certaines paroles sur notre existence, mes frères. Je regrette mes mots trop, autant ceux que j'ai pas eu, pas su trouver. L'orgueil qui rend con style, pour mes excuses tu peux crever. J'ai ces petits trucs qui parfois remontent. Quand je fais l'inventaire, ça fait pas mal en fin de compte. Rien insurmontable, prof je vis avec. Par pudeur, je veux pas en dire plus, Cisco envoie le break. Pour sûr, je regrette ces jours où j'ai manqué d'audace. Les mots sont pas sortis depuis je traîne comme un caillou dans ma godasse. Petite douleur tenace, ma langue se délie quand c'est mort. Quand c'est plus l'heure, quand y'a plus la place. Pour sûr, je regrette ces jours où j'ai manqué d'audace. Les mots sont pas sortis depuis je traîne comme un caillou dans ma godasse. Petite douleur tenace, ma langue se délie quand c'est mort. Quand c'est plus l'heure, quand y'a plus la place. J'avais tant de choses à dire, mais y'a plus rien. Intervient, l'encre coule en vain. Seulement qu'intervient, l'encre coule en vain. Et pas que ça, pas que ça, pas que ça, pas que ça, pas que ça, pas que ça.